donner, si eux sentent que vous êtes supérieur, vous allez apparaître menaçant. Parce que vous devenez un miroir. Et l'animal humain, ainsi que l'humain, l'homme ancien et souvent les personnes transitives, devant un miroir, elles se voient comme elles sont et non pas comme elles voudraient se voir. Alors, elles ont une alternative. Détruire le miroir ou ne plus le regarder. Dans l'Antiquité, on détruisait le miroir. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Alors, évidemment, elles ne vous regarderont plus et ils ne vous côtoieront peut-être plus. Ce n'est pas grave. À un moment donné, ils finiront par rechercher votre compagnie. C'est pas dans le temps que ça prendra. Ne recherchez pas ce temps. C'est de l'ego. Mais je dis qu'un jour, ils rechercheront votre compagnie. Parce qu'ils sentiront qu'ils seront bien à vos côtés. Et évidemment, ils vous traiteront de suspect, de ceci ou de cela. C'est aucune importance. Entre vous et moi, si vous savez qui vous êtes, ce n'est pas nécessaire que les autres le sachent. Alors, si vous avez suffisamment de négociation pour être capable de supporter le fait qu'on dit, tu lui donnes, tu clés, hein? Tu mets des moutardes sur sa feuille, puis, à s'en servir, tu prends autre. Elle manque son métro, puis elle s'assoit, puis elle lit son journal. C'est maintenant, ça. Quand même pas parfait dans le fait, hein? Mais vu qu'elle ne crie pas, puis qu'elle ne chine pas, puis qu'elle ne chiole pas, on va trouver qu'elle est pas mal. Peut-être qu'elle est stupide. Il faut être simple d'esprit, il faut être niaiseux un peu. Pour ne pas souffrir des bonnes choses de la vie. C'est pas être tard. Mais soyez tard. Regardez les autres s'amuser. Se prendre au sérieux, puis vivre d'une façon tout à fait conne. Ça les regarde, c'est leur plan de vie pour l'instant. Mais si vous êtes capable de supporter cela, vous êtes capable de supporter qu'on dise, mais voyons donc, aie un peu de toi-même, aie un peu de tonus, crème, et chante! Et tu refoules tout chez toi, t'es tout renfermé! Non, vous n'êtes pas renfermé. Vous êtes libre. Vous pouvez le supporter, ben vous allez arrêter de vous ajuster, mais allez simplement commencer à sourire. Tu veux que ma pleure? Ben, j'espère que mon sol ne sera pas inondé. Penses-tu que le tien va l'être? Oh, mais ça t'inquiète-tu? Oh oui. Comment? Là, ben, elle va dire que n'est pas normal. Check bien ça, ça arrive pas chez elle, tout ça, c'est tout plein, c'est pas de crise de mer. Ah ouais, ça le plairait, ça, il faut que tu sois normal. Ça revient le lendemain, puis dans le sol, trois pieds d'eau. Mais qu'est-ce que ça fait? Bon, je vais appeler pour savoir s'il n'y aura pas une pompe qui passerait par là. Ah, mais tes meubles, ah, sont finis. T'es sûr? Oh, ouais, pas mal. Mais qu'est-ce que tu vas faire? On va t'acheter d'autres que ton argent. Ça n'en veut rien. Ça te dérange pas plus que ça? Ben oui, tu vas asseoir en bas. Passe-moi en haut. Ah, c'est ceux qui vont vous trouver. Profitez. Je répète que l'être humain ne peut pas être mis en considération par l'humain et par l'animal humain. On dit, et ce sont les hommes anciens qui ont dit cela, que la folie se rapprochait de Dieu. Pas Dieu qui dit ça. Autant que l'homme descend du singe est une théorie de singe, autant le fou se rapproche du sage est une théorie de fou. Mais soyez bien. Ça ne se fait pas comme ça parce que vous avez été programmé, parce que vous êtes manipulé, parce que vous avez appris à réagir aux choses que vous ne pouviez pas changer. C'est vrai.